Et ensuite, après votre apprentissage, oui. Vous êtes allé travailler chez qui? Oh, j'ai fait beaucoup de maisons à Mirecourt. D'abord, après mon apprentissage, je suis resté un petit peu chez le même patron et puis je suis parti au régiment. Mmh. Hein, je suis rentré, j'ai rentré à la maison Charles Baye, qui n'existe plus. Mmh. Et puis de la maison Charles Baye, je suis reparti à la maison Dieudonné, qui n'existe plus non plus. Et puis de la maison Dieudonné, je suis reparti à la maison Colin-Maison, qui n'existe plus non plus. Et puis, ma foi, de là, je me suis mis à bricoler un peu chez moi, en attendant l'âge de la retraite.